Vision que vit l'empereur Charles le Gros, roi de France et d'Italie, comme lui-même raconte. Comment il fut ravi en esprit dans les tourments de l'enfer. Comment l'esprit retourna au corps. Et que ce haine vint avant qu'il meure. C'est ici qu'il convient de retracer les grands dons et grands bénéfices qu'il fit à l'Église, en son vivant, pour l'honneur et l'amour des glorieux martyrs, avant de nous évertuer à mettre la merveilleuse vision que notre Seigneur voulut qu'il eût en sa vie, pour son amendement, comme dit de sa propre bouche. Nous ne devons pas l'oublier pour mettre en ordre les faits de sa vie. Par le don de notre Seigneur, de Charles le Gros, roi de Germanie, patrice des Romains et empereur de France. Ici la tierce personne. Après le service des matines de la Nativité de notre Seigneur, s'étant couché pour se reposer, au point qu'il s'endormit, une voix très horrible descendit à lui et lui dit « Ton esprit partira de ton corps, et sera mené en un lieu où il verra les jugements de notre Seigneur, et les signes des choses qui sont à advenir. Et après un peu d'heure retournera au corps. » Sitôt son esprit fut ravi par celui qui était une chose très blanche, et qui tenait un luisant lucelle de fil, peloton, aussi resplendissant que la trace que nous voyons au ciel, et que les gens croient que ce soit étoile, voie lactée. Lors cette chose blanche dit, « Prends le chef de ce fil, lis-le fermement au pouce de ta main droite, car par lui je te mènerai au lieu des peines d'enfer. » Ayant dit cela, il s'en alla devant lui en tournant de côté et d'autre le fil de lucelle resplendissant, et le mena dans de très profondes vallées, pleines de puits en flammes, remplies de pois, soufre, et plomb, et cire. Dans ces puits, il trouva les évêques dans la peur, avec les ecclésiastiques de son père et de ses aïeux. Il leur demanda pourquoi ils souffraient de si graves tourments et ils lui répondirent. Nous avons été les évêques de ton père et de tes aïeux. Nous aurions dû amonester la paix, donner un avertissement souvent accompagné d'un blâme, et la concorde entre les princes et leur peuple, mais nous avons semé et répandu les discordes, et les guerres. Nous avons été cause des émouvements de maux. Et pour ceux, nous sommes liés à ces tourments, nous et ceux qui aiment homicide et rapine, meurtre et vol. Sache qu'ici viendront tes évêques, et tes gens qui encore travaillent à te faire des maux. Pendant qu'il les écoutait en grande peur, et grande angoisse, il vit venir des diables noirs. Ils avaient de grands crochets de fer en feu, et s'efforçaient très durement de détacher le fil qu'ils tenaient, et de tirer à eux. Mais à cause de la grande clarté qu'ils rendaient, ils reculèrent en arrière et sortirent, ne pouvant pas l'atteindre. Ils coururent alors par derrière, pour l'attacher à leurs crochets, et le faire trébucher dans les puits en flammes, quand celui qui le conduisait jeta le fil en double par-dessus ses épaules, et l'attacha à lui fermement. Alors ils montèrent une haute montagne de feu. Sous le pic de ces montagnes sortaient des fleuves, des bourbiers bouillants de toute manière de métaux. En ces tourments, il trouva des âmes sans nombre, des princes de son père et de ses frères, plongés dedans aussi, l'un jusqu'aux cheveux, l'autre jusqu'au menton, et l'autre jusqu'au nombril. Ils se mirent à crier, et hurler, en disant, « Charles, parce que nous avons rassemblé des masses à faire des homicides, des guerres, et des rapines par convoitise terrienne, autant de ton père et de tes frères, et du tien même, pour cela nous sommes en ces fleuves bouillants, punis dans les tourments de divers métaux. Tandis comme il entendait en grande peur et grande tribulation d'esprit ce qu'il lui contait, il vit par derrière soi les âmes qui trop horriblement criaient. Les puissants puissamment souffrent tourment. Se retourna alors vers la rive du fleuve, et vit des fournaises de fer, remplies de serpents, de pois, et de soufre. Là il reconnut quelques-uns des princes de son père et de ses frères, et des siens même, qui commencèrent à crier. Cale. Ah, tu vois comment nous sommes tourmentés de notre malice et notre superbe, des disloyaux conseils donnés à nos rois, et à toi-même, par disloyauté et par convoitise. Comme il écouta cela en grande douleur et gémissement, il vit de grands dragons accourir à lui, gueule ouverte, pleine de feu, de poix et de soufre, pour l'engloutir, et fut en grande peur. Celui qui le conduisait, lui jeta le tierce déploiement du fil par-dessus les épaules. Il était si resplendissant que les dragons furent surmontés, éteints par sa clarté et attachés fortement après lui. Ils descendirent alors dans une vallée merveilleusement grande. Dans une partie obscure et si ténébreuse, il y avait grands bûchers de feu ardent. Une partie était en soi resplendissante, et si délicieuse qu'il n'est nul qui le peut compter ni décrire. Se tournant alors vers la partie obscure, il vit quelques rois, de son lignage qui souffraient là en grand tourment, et il eut trop grand peur. Car il présuma se faire plonger en ces tourments par les grands géants noirs et horribles, qui embrasaient de diverses manières de feu, ces fournaises de cette vallée. Par la lumière de la flamme sortie du fil, il la vit enluminée à des côtés de cette vallée en un point de lumière, qui éclaira deux tonneaux, et là, deux fontaines. L'une était grandement bouillante, l'autre tiède. Il regardait par la lumière du fil, et vit son père, le roi à l'œil, dans le tonneau d'eau bouillante jusqu'aux cuisses. Alors ses pères très tourmentés lui dirent gravement : « Cal, beau fils, n'aie crainte. Je sais bien que tes esprits retournent encore à ton corps, par la grâce donnée par notre Seigneur en venant là, pour que tu vois quel péché, moi et les autres, souffrons tel tourment. Un jour je suis en ce tonneau plein d'eau bouillante. Un autre jour suis mis à tremper en cet autre d'eau tiède. Cette grâce que me fait notre Seigneur est par les prières du Saint-Père, de Saint-Denis et Saint-Rémy, par laquelle trois, notre royal lignée a régné jusqu'ici. En ce tu veux m'aider, toi et tes évêques et abbés, et tous les ordres de la Sainte Église, en messe, en offrande, en veille, en psaume, et en aumône, et je serai sitôt délivré du tourment de ce tonneau d'eau bouillante. Puisque par les mérites du Saint-Père, et de Saint-Denis et Saint-Rémy, mon frère Lothaire, et son fils Louis, sont déjà délivrés de ces tourments et portés en la joie du paradis. Ensuite il lui dit de regarder à gauche. Il se tourna et vit de grands tonneaux pleins d'eau bouillante. Il dit : « Ceux-ci te sont apprêtés, si tu ne t'amendes pas, et si tu ne fais pénitence de tes frauduleux péchés. » Alors il eut grand peur. Et quand son conducteur vit qu'il était dans tel malaise, il lui dit : « Viens après moi, à la droite partie de la délicieuse vallée de paradis. » Quand il l'eut mené là, il vit son oncle Lothaire, assis dans grande clarté, avec les autres glorieux rois, sur un topaze merveilleusement grand, couronné d'une précieuse couronne. Son fils Louis, à côté de lui, assis, et aussi couronné. Lorsqu'il vit Cal, il l'appela et dit très doucement : Cal, mon successeur qui maintenant est le tiers après moi en l'Empire des Romains, viens près de moi. Je sais bien que tu es allé par les tourments, où ton père, mon frère, est tourmenté en bain bouillant. Mais il sera tôt délivré de ses peines par la miséricorde de notre Seigneur, comme nous, qui le sommes aussi par les mérites du Saint-Père, et les prières de Saint-Denis et Saint-Rémy, à qui notre Seigneur a donné grand pouvoir d'apôtre sur tous les rois et toute la gent de France. Et s'il ne soutenait et ne gardait notre lignée, elle céderait assez tôt. Sache que l'Empire sera assez tôt ôté de tes mains, et que désormais tu vivras assez peu de jours. » Alors Louis se retourna vers lui et il dit : « L'Empire des Romains, tenu jusqu'ici par toi, Louis, le fils de ma fille, doit le recevoir après toi par droit. » Quand il dit cela, il lui sembla qu'il vit devant lui cet enfant Louis. Et son aïeul Lothaire le prit, et dit ainsi : « Tel cet enfant que notre Seigneur établit au milieu de ses disciples quand il leur dit : « Ah, tel est le règne des cieux. » Ah donc, rends-lui maintenant le pouvoir de l'Empire, par ce fil que tu tiens en ta main. » Calne lia le fil de son pouce, et par le fil, lui rendit la monarchie de tout l'empire. Et le lucelle du fil resplendit et s'amoncela tout comme un ray de soleil dans la main de l'enfant. Après ce fait, l'esprit de Cal retourna au corps, très las et très travaillé.